regarde tes coupes, obligé de faire des gosses pour rester ensemble. T'as des coupes qui restent ensemble parce qu'ils ont des gosses. En somme, on s'aime, mais si enfin bref, c'est ce qu'on pense, on se querelle. On parle la même langue, mais on n'arrive pas à se comprendre tout. Les mots doux finissent tous, on perd la chaise, on perd la tête. La routine, tu le coupes, l'adultère l'achève, nul doute. En somme, nous, on va se faire du mal, quittons-nous, ça va nous faire du bien. Un couple, c'est qui tout doux, mais plus tu doutes, l'amour, c'est pas palpable. C'est barbare, t'es mal barré, même si t'as le paf, t'as une barre par mois. Marié, deux enfermes, et le stress qui va avec moi. On dit banalina, c'est la maîtresse qui va avec moi. Tu dis que tu fautif, non, tu m'as trompé. Ensuite, je t'ai trompé, compte, ça fait m'emmerde pas, ni devant le foot, ni quand je dîne. Hier, j'ai écrit 30 lignes sur les funérailles d'une vie tranquille. Hey, prends le destin de ton couple comme il vient. L'amour, c'est dans les séries B, et n'oublie pas, hein, c'est les comédiens. L'amour, quelle comédie, mais qui sait si on sera unis ainsi pour toute la vie. L'amour, quelle comédie, parce que on est ensemble jusqu'à ce que l'amour nous sépare. L'amour, quelle comédie, mais qui sait si on sera unis ainsi pour toute la vie. L'amour, quelle comédie, parce que on est ensemble jusqu'à ce que l'amour nous sépare. Il y aura d'autres émeutes, arrêtons tout maintenant, vaudrait mieux. Regarde les gens qui s'aiment, putain, leur cœur parle, notre ému est perdu comme des rastas sans celle-ci. J'en ai assez, on c'est là, c'est l'un de l'autre, et là je suis high. J'ai inhalé trop de disputes, j'ai fumé notre coupe dans cet océan de querelles. Tes larmes, c'est juste une autre goutte, mais pourtant on se disait le temps, on va régler ça. Autant dire qu'avant, on se prenait pour Adam et Eve avec des sables, 16 de maths et 57 bitch. Merde, je te cause, et dans le sexe, innover aurait peut-être été la moindre des pauses. J'ai que tu me trompes, et je sais avec qui, avec ce qu'on a vécu. J'avoue qu'il fallait qu'on arrête tout. Les couples mariés sont gravement chiens, le cœur gravement sang. En somme, ils font l'amour, mais rarement ensemble. Pourquoi les gens s'aiment? Que j'en sais, l'essentiel, c'est de manifester sans qu'il y ait de sang sur les enseignes. Fais-toi une raison, on n'est pas un couple exceptionnel. Relation circoncis, on a coupé le sexe net. C'est bête, mais tu m'aimes pas, arrête ta fuite. Mais après tout, la haine, c'est juste de l'amour à l'état brut. L'amour, quelle comédie, mais qui sait si on sera unis ainsi pour toute la vie. L'amour, quelle comédie, parce que on est ensemble jusqu'à ce que l'amour nous sépare. L'amour, quelle comédie, mais qui sait si on sera unis ainsi pour toute la vie. L'amour, quelle comédie, parce que on est ensemble jusqu'à ce que l'amour nous sépare. T'as ces coupes, espérant devenir le couple idéal. Les zones courtes, espérance de vie, c'est désespérant. Écoute, dans le paysage, les anges, on les joue moins roses. L'amour, ça, c'est du ciné, j'aimerais bien savoir qui joue mon rôle. En gros seigneur, on enchaîne les grosses erreurs. On se mine, on se mange, doucement, on se ment. On fait les gosses ailleurs, y'a ça qui va pas. Y'a ça qui va bien, mais ça rattrape pas ce qui va pas. Je lui parle, elle m'écoute pas, mais ce qui va pas. Elle parle tout de suite, barré parce qu'on a marre et tard. Et ça capare la gare du gamin la gasse. Caro, K.O. t'aurais pas remarqué. Nous on l'a fait à deux ce mouvement. Non, donc vas-y doucement. Bon, franchement ton avocat a beau être le meilleur du monde. C'est la tristesse qu'on a la gare du monde. Je sais pas de réparer, mais je me demande juste pour qu'on signe devant le maire. Pour finir par signer devant le juge, fallait que je te mette au parfum. Futur, au présent, aimer est un verbe imparfait.